Disons que on parle beaucoup comme ça, hein, utiliser sa conscience ou prendre conscience, alors qu'au fond, est-ce que l'être humain n'est pas utilisé par la conscience, puisque ce n'est pas la conscience qu'il prend? Parce que quand il y a une prise de conscience, c'est comme une surprise, souvent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, oh, bon, ben là, prochainement, je vais prendre conscience de ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la mécanique est inversée. Puis, c'est là que l'être humain, il peut se rendre compte qu'il n'est pas intelligent tout seul. C'est des mécaniques qui, jusqu'à un certain point, lui sont extérieures, puis il y a une intégration vers l'interne. Donc, je dirais qu'il faut utiliser sa sensibilité pour justement, quand il y a une possibilité d'être pris par de la conscience, d'être disponible. D'être disponible. Je le dirais comme ça. Parce que j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui décide de prendre conscience de quelque chose, parce qu'avant d'avoir pris conscience, il n'en est pas conscient. C'est toujours une surprise. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, la conscience. C'est pas quelque chose que c'est pas comme quelque chose qu'on ramasse au marché, là. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai de la misère un petit peu avec tous les processus de gens qui font de la croissance personnelle, qui font des ateliers, qui se font venir des livres, puis là, quand j'aurai lu ce livre-là, ben là, je vais avoir enfin intégré telle chose, puis telle chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les livres les plus marquants, souvent, c'est par hasard qu'on tombe dessus. C'est pareil pour les personnes, c'est pareil pour les expériences. Donc, l'être humain, il est réactif de nature, ça c'est son ego. Donc, non, j'ai jamais vu ça. Moi, des gens qui volontairement prennent conscience de quelque chose, bien, comment est-ce qu'un ego humain pourrait volontairement, consciemment faire une démarche comme ça? La conscience, c'est pas une démarche, c'est un processus d'intégration. Puis ça commence, c'est la réceptivité, la sensibilité, ça c'est à l'interne, mais ça part de l'extérieur pareil. Sinon, on ne serait pas obligé de vivre de l'expérimental pour intégrer. On pourrait se contenter de rester assis dans un fauteuil, puis on intégrerait comme ça, en regardant le mur, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Utiliser sa conscience. Je pense vraiment que c'est la conscience qu'utilise l'être humain. Dans le fond.